Chapitre 14. Pourquoi les chrétiens sont-ils parfois en désaccord? Le fait que cette question doive être posée met en lumière l'anticipation des nouveaux chrétiens, qui souhaitent que l'Église chrétienne soit caractérisée par une harmonie parfaite. Si seulement cela était vrai. Malheureusement, les chrétiens sont loin d'être parfaits. Ils ont besoin de grandir spirituellement. Et au cours de ce processus de croissance, ils ont souvent des opinions divergentes. Il n'y a rien de mal à cela, mais cela signifie que parfois, ce que la Bible appelle la communion de l'esprit est entachée par des critiques mutuelles et des controverses. Il en était ainsi dès le début, lorsque l'Église était encore dirigée par les apôtres fondateurs que Jésus avait personnellement désignés. Une étude attentive du Nouveau Testament révèle que ces premières disputes se divisaient en deux catégories distinctes, ce que nous pouvons appeler les questions de vérité primaire et secondaire. Dans sa lettre aux Galates, Paul raconte très honnêtement un incident du premier type qui, de manière assez embarrassante, l'impliquait lui-même ainsi que Pierre. Lorsque Pierre est venu à Antioche, je lui ai résisté en face, car il était clairement dans son tort. Avant l'arrivée de certains hommes venus de la part de James, il avait l'habitude de manger ça avec les païens. Mais lorsqu'ils sont arrivés, il a commencé à se retirer et à se séparer des païens, car il craignait ceux qui appartenaient au groupe des circoncis. Galates 2, 11 à 12. Cet incident est né de la lutte que les juifs convertis ont menée lorsqu'ils ont essayé de se débarrasser des tabous culturels qui les avaient distingués des païens pendant des siècles. Comme vous le savez probablement, tous les hommes juifs sont circoncis, et les juifs fidèles à l'époque de l'Empire romain ne mangeaient jamais en compagnie de ceux qui n'avaient pas reçu cette marque distinctive. Cependant, l'une des découvertes les plus remarquables et révolutionnaires des premiers chrétiens, qui étaient bien sûr presque tous juifs, fut que cette pratique discriminatoire ne s'appliquait pas à l'Église. Les païens qui devenaient chrétiens étaient baptisés et accueillis à la table commune de la Sainte Communion sans aucune exigence de circoncision. Pierre avait appris que cela devait être ainsi par révélation directe. Vous pouvez trouver cela dans l'histoire de Pierre et Corneille dans Actes 10. Mais lorsqu'il visita la nouvelle Église fondée par Paul à Antioche, son ancienne façon juive de penser et d'agir refit brièvement surface. Il y avait beaucoup de gentils qu'on appelle aussi des païens, dans l'église d'Antioche, voyez-vous? Et sous l'influence de certains chrétiens juifs très conservateurs de Jérusalem, Pierre reprit son ancienne habitude de ne pas manger en leur compagnie. Lorsque Paul observa ce comportement, il fut indigné et confronta Pierre publiquement à ce sujet. Ne comprenez-vous pas que lorsque vous tournez le dos à vos frères païens simplement parce qu'ils ne suivent pas nos traditions culturelles juives, vous trahissez quelque chose d'absolument fondamental dans le message de l'Évangile? Vous dites que Christ est mort pour rien. Paul voyait un immense danger dans le comportement de Pierre, car il contredisait ce qu'il appelait la vérité de l'Évangile. Galates 2:5. En tant qu'apôtre qui avait fait plus que quiconque pour évangéliser les païens, il était essentiel pour lui que le message chrétien offre gratuitement la grâce de Dieu aux juifs et aux païens sur la même base, celle de la foi en Jésus seul. Les juifs conservateurs qui influençaient Pierre voulaient que les païens convertis soient circoncis avant de pouvoir être considérés comme sauvés, voir Actes 15:1. C'était le premier signe d'un légalisme qui allait menacer à plusieurs reprises l'Église primitive. Sur des questions de vérité fondamentale comme celle-ci, Paul adoptait une position très ferme, que certains pourraient même qualifier d'intolérante. Protéger la vérité fondamentale de l'Évangile était bien plus important que ce que nous appelons aujourd'hui souvent le « politiquement correct ». Les personnes qui enseignaient des erreurs doctrinales fondamentales qui ébranlaient le message de l'Évangile étaient sanctionnées, voire exclues de l'Église. La communauté chrétienne d'aujourd'hui devrait peut-être s'inspirer de la position intransigeante de Paul sur cette question. Il n'avait pas peur de dénoncer les déviations par rapport à la doctrine fondamentale, même lorsque des amis respectés et influents étaient impliqués. La vérité de l'Évangile n'était tout simplement pas négociable. Je crains que de nos jours, de nombreux chrétiens manquent de ce genre de zèle franc. Nous sommes plus préoccupés par le politiquement correct. Au nom de la tolérance, nous vivons dans l'incohérence et l'hypocrisie, même lorsque les enseignements centraux de la foi chrétienne sont contredits. Personnellement, je crois qu'il y a des moments où, en tant que chrétien, je dois défendre la vérité, même si cela me rend impopulaire auprès des autres membres de l'Église. Mais, et c'est un très grand « mais », toutes les disputes entre chrétiens n'appartiennent pas à cette catégorie critique de vérité primaire. Il existe de nombreuses questions de vérité secondaire qui se sont également posées au sein de l'Église primitive. Paul en donne un bon exemple dans sa lettre aux Romains. Accueillez celui dont la foi est faible, sans discuter des questions controversées. La foi d'une personne lui permet de manger de tout, mais une autre, dont la foi est faible, ne mange que des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne le fait pas. Et celui qui ne mange pas de tout ne doit pas juger celui qui le fait, car Dieu les a acceptés. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Les serviteurs sont responsables devant leur maître, et ils seront responsables, car le Seigneur est capable de les rendre responsables. Une personne considère un jour plus sacré qu'un autre. Une autre considère tous les jours comme identiques. Que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. Celui qui considère un jour comme spécial le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de la viande le fait pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui s'abstient le fait pour le Seigneur et rend grâce à Dieu. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun de nous ne meurt pour lui-même. Romains 14, 1 à 7. Le désaccord dont Paul traite ici trouve une fois de plus son origine dans le choc culturel que le christianisme a provoqué au 1er siècle. Certains membres de l'Église, que nous pouvons qualifier de conservateurs, refusaient de manger de la viande parce qu'elle pouvait avoir été consacrée à une idole par le boucher païen qui la vendait sur le marché. D'autres, que nous pouvons qualifier de libéraux, estimaient que, puisque les idoles représentaient des dieux inexistants, leur consacrer de la viande n'avait aucune importance. Il existait une divergence d'opinion assez similaire concernant le respect des jours saints du calendrier. Paul lui-même était résolument libéral sur ces questions. Ceux qui avaient des scrupules religieux à manger de la nourriture sacrifiée aux idoles ou à observer une fête sacrée faisaient preuve d'une foi faible. Leur ancienne superstition avait encore une emprise sur leur esprit et imposait une limitation inutile à leur liberté chrétienne. Cependant, contrairement aux Juifs qui avaient si mal influencé Pierre à Antioche, ces conservateurs de Rome ne disaient pas qu'il fallait imiter leur comportement pour être sauvés. Ils voulaient simplement être végétariens pour des raisons de conscience personnelle. Le problème était que cette controverse provoquait des divisions au sein de l'Église. Les gens se critiquaient et se manquaient de respect les uns les autres. Tout comme les familles d'aujourd'hui sont parfois divisées par leurs opinions politiques, des partis conservateurs et libéraux se formaient, et la communion de l'esprit était menacée. Il est important de noter à quel point l'attitude de Paul sur cette question était différente de l'indignation qu'il avait manifestée envers les juifs conservateurs d'Antioche. Il n'y avait ici aucun légalisme dangereux qui ébranlait la vérité de l'Évangile, juste une divergence d'opinion sur une question mineure. Selon lui, de telles divergences d'opinion ne devaient pas être exagérées et transformées en disputes majeures. Chacun a le droit d'exprimer sa dévotion à Dieu selon sa propre conscience. Les frères et sœurs chrétiens ne doivent donc pas se condamner les uns les autres pour de telles querelles insignifiantes. Gardez vos opinions personnelles pour vous et faites tout votre possible pour vivre en paix. Romains 14, 19 leur a-t-il dit. Que devons-nous faire lorsque des chrétiens sont en désaccord? Il est important de déterminer si au cœur de la dispute porte sur une question primaire ou secondaire. Les deux types de désaccords peuvent encore être observés dans l'Église et il faut les distinguer soigneusement. Si la vérité de l'Évangile est en jeu, alors nous devons nous montrer intransigeants. Nous ne pouvons pas permettre que des règles légalistes empêchent les gens de trouver la grâce miséricordieuse de Dieu en Jésus, telle que nous l'avons décrite dans les chapitres précédents. Mais les chrétiens ont le droit d'avoir des divergences d'opinion. Devrions-nous baptiser les nourrissons ou seulement les adultes? Devrions-nous refuser de travailler le dimanche? Devrions-nous boire de l'alcool ou fumer des cigarettes? Comment devons-nous traiter les personnes divorcées, ou les homosexuels, ou ceux qui ont des relations sexuelles avant le mariage? Qu'en est-il des chrétiens qui refusent de s'engager dans l'armée, ou d'écouter de la musique pop composée par des personnes qui prennent de la drogue? Je place toutes ces questions dans la catégorie secondaire. J'ai mon propre point de vue à leur sujet, mais je ne juge pas ceux qui ont une opinion différente de la mienne. Quelqu'un l'a formulé ainsi comme ceci, dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses qui ne sont pas essentielles, la liberté. Dans toute chose, la charité.